Les découvertes musicales de Fadjet. Le groupe de rock Reboot revient avec Le Vent Nos Verts, troisième extrait de l'EP Le Voile Se Déchire. Groupe de rock engagé sur les questions sociétales, Reboot développe à travers des textes en français l'idée du redémarrage nécessaire d'un système en bout de course. Voici le titre, Le Vent Nos Verts. La reprise est dans l'air, c'est ce que disent les experts. Ta confiance est nécessaire. Détends-toi, tout va bien. On sait bien. Les experts.